Les panneaux de danger sont généralement placés à 150 mètres de ce qu'ils annoncent hors agglomération et à 50 mètres en ville. Sauf si un panonceau modifie cette distance. La seule exception à cette règle est le panneau signalant que la route est à double sens. Il est implanté là où commence le danger. Réponse